Bienvenue sur l'émission Tu la sens la liberté, c'est le 8e épisode. Cet épisode sera consacré aux pseudosciences. Allez, on passe à l'éditorial. Le débat sur l'homéopathie a été très important cette année. Vous n'avez pas pu passer à côté. L'origine de débat remonte à la tribune FakeMed, lancée en 2018. Des médecins, des pharmaciens et des biologistes ont collectivement fustigé le danger des fausses médecines. Cela a provoqué un débat médiatique qui a duré et dure encore et qui a résulté par le déremboursement progressif de l'homéopathie prononcé par le gouvernement au début de l'été dernier. Pourtant, il est difficile de voir clair dans ce débat. Les médias ont pris l'habitude de confronter des points de vue, quel que soit le sujet et quel que soit le niveau d'expertise des débatteurs. Ainsi, il n'y a pas de hiérarchie entre les faits, les opinions et les contre-vérités. Pas facile pour les profanes de comprendre comment démêler le vrai du faux. Surtout qu'une envie de se soigner autrement est assez grande. Les scandales sanitaires, comme celui du Mediator, ont augmenté la méfiance envers l'industrie pharmaceutique, l'homéopathie apparaissant comme une alternative crédible. Cet éditorial a été rédigé par Cédric. Donc j'invite ici Cédric qui va nous parler de l'homéopathie et plus largement des pseudosciences. Donc on va diviser cette émission en trois parties. C'est quoi une pseudoscience ou qu'est-ce qu'une pseudoscience ? En deuxième partie, quelles sont les pseudosciences ? Et en dernière partie, un point de vue plus approfondi sur le danger de l'homéopathie. Alors Cédric, qu'est-ce que tu en penses de l'éditorial ? Bah, il est bien. Il est bien, et je trouve que c'est important aussi, quand on parle des pseudosciences, c'est de parler du rôle des médias. Le rôle des médias, ils traitent pas assez bien l'information scientifique, et puis les journalistes, généralement, dans les grands médias, sont pas formés pour lire et comprendre les informations scientifiques. Et du coup ça donne du fait que pour souvent, pour les journalistes, tout est opinion, en fait. C'est-à-dire que tout est matière d'opinion et tout est une opinion recevable. Il n'y a pas de fait, en fait. C'est-à-dire que, voilà, le réchauffement climatique, et c'est bien le défaut de ces dernières années, c'est que, par exemple, le réchauffement climatique, on s'en fiche que ce soit une réalité scientifique, en fait, c'est l'opinion. D'accord, ça existe, et l'opinion, non, ça n'existe pas. Et c'est pris à égalité, en fait. C'est problématique, parce que, genre, voilà, il y a tout le débat scientifique et toute la littérature scientifique qui montre bien qu'il y a un réchauffement climatique, et pourtant, encore une fois, encore aujourd'hui, même si ça se fait de moins en moins, on laisse tribune à des gens qui sont des négateurs de la science, finalement. Enfin, la science et de ce que la science peut produire comme connaissance, quoi. Et du coup, on l'a bien vu, c'est que dans les médias, ils ont tendance à inviter des scientifiques, mais ils considèrent que la parole des scientifiques, finalement, ça se résume à une opinion, c'est ce que tu es en train de me dire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on est dans un débat d'opinion entre ceux qui défendent les sciences et ceux qui défendent les pseudosciences, mais à aucun moment, on leur dit, voilà, moi je suis scientifique, mais attention, j'arrive avec un bagage qui dit, voilà, je vous apporte telle étude, elle a été relue par ses pairs, voilà. Et ainsi de suite, quoi. Parce que le problème, c'est que la majeure partie des personnes, ils se disent « Ah, ça y est, j'ai une étude, c'est le Saint Graal. » Mais dans les sciences, et dans les sciences dures en l'occurrence, il faut quand même que l'étude elle soit reproduisible. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une étude isolée, ça ne montre rien. Donc à partir du moment où vous avez un article qui dit « Il y a une étude qui prouve que… » Déjà, méfiez-vous, parce qu'une étude toute seule, isolée, ne prouve rien. Déjà, il faut vérifier qu'elle ait été publiée dans une revue à comité de lecture, où effectivement c'est des spécialistes du sujet c'est relu par les pairs, c'est-à-dire que c'est des spécialistes du sujet qui sont attelés à voir si elle était correcte. ensuite qu'elle a été reproduite en fait. Et puis surtout, pour n'importe qui profane, c'est pas l'étude qui doit montrer. L'étude, c'est souvent un domaine bien précis, un truc très très particulier, qui parle d'un point particulier. Nous, pour les profanes, ce qui devrait compter, c'est le consensus scientifique en fait. C'est-à-dire que le consensus scientifique, il se fait pas à partir d'une seule étude, il se fait à partir de plusieurs centaines, milliers d'études, et c'est un résumé de l'état des connaissances en fait. Et ça, et pourtant, il y a toujours, effectivement, dans la presse, j'avoue qu'il y a une étude qui sort, et qui semble surtout indiquer le contraire de l'avis général, et bah c'est publié tant que tel, il y a une étude qui montre que, machin. Alors qu'en réalité, je sais pas moi, prenons l'exemple, en parlant de pseudoscience, de l'influence des naissances, de la Lune sur les naissances. C'est le truc le plus bête que j'ai trouvé. Quand on regarde dans la littérature scientifique, toutes les études, enfin quasiment toutes, montrent que il y a aucune influence, la Lune, les phases de la Lune n'ont aucune influence sur les naissances, mais genre zéro. Il n'y a pas plus de naissances en pleine Lune et tout ça. Sauf qu'il y a deux ou trois études, en tout, sur des centaines d'études, je crois qu'il n'y en a qu'une seule même, qui montrent qu'effectivement ça aura un petit impact. Mais pourquoi ça? Pourquoi il y a une étude sur 100 qui le montre? Ben c'est simplement statistique en fait. C'est juste que sur cette étude-là, ben le hasard a eu une importance non négligeable en fait. Et comme justement statistiquement, il y aura toujours une étude qui montrera le contraire. Ça veut pas dire que le scientifique n'a pas été assez rigoureux. Ça veut dire que oui, bah, effectivement, bah, le hasard a joué une part non négligeable. Ou alors des variables cachées ont joué dans le résultat en fait. Et du coup, une étude isolée ne montre rien. Et ça, en général, les journalistes sont pas formés à comprendre ça, en fait. Et puis, en général, il y a aussi d'autres choses, c'est que parfois, l'étude, elle semble montrer un truc, mais comme on lit pas en détail, ou alors on comprend mal le jargon scientifique qui est utilisé dans les études, ça se montre en ce moment. Enfin, j'ai eu des discussions avec des gens qui ont parcouru des études sur des produits phytosanitaires, des pesticides et tout ça. Et qui ont pas compris en fait, qui ont pas compris ce que le scientifique voulait dire parce qu'il était très jargonneux. Par exemple, l'un des débats récents, c'est sur si tel ou tel pesticide est cancérigène. Et en fait, ce qu'on utilise pour déterminer si un pesticide est cancérigène, c'est très très flou pour les profanes parce que il y a ce qu'on appelle, pour savoir si le niveau de cancérogénité, je sais pas comment exactement on dit en français, je m'excuse auprès des auditeurs, mais le niveau de cancérogénité, il est étudié, on étudie si une molécule peut provoquer un cancer. Et on le met dans un niveau cancérigène certain, cancérigène probable, etc., etc. Sauf que ce niveau-là, il dit pas du tout, contrairement à ce que ça laisse entendre, que le produit, il est dangereux en fait. Il te dit, ça peut te provoquer un cancer. Par exemple, là, j'ai une tasse de café à côté de moi. Le café, c'est un cancérigène certain. C'est un cancérigène certain. Il y a plein de pesticides qu'on considère très dangereux, que les journalistes disent, c'est dangereux parce qu'il est cancérigène probable. D'accord, mais dire qu'il est cancérigène probable dans l'échelle dans laquelle on utilise, ça veut rien dire en fait. Parce que le café, je pourrais en boire des litres toute ma vie. Et ça se trouve, j'aurai jamais de cancer. Parce qu'il y a peut-être une chance sur 1 milliard que le café me donne le cancer. Et pourtant, cette chance existe, et pour les scientifiques, c'est important de la noter. Et de dire qu'effectivement, on sait que le café peut provoquer le cancer. Du coup, il y a ça. Mais ensuite, après, dans ce genre d'études, qui sont des études statistiques menées sur plusieurs années, sur notamment les pesticides, on détermine le niveau de preuve d'affirmation, en fait. C'est-à-dire, ce pesticide est cancérigène sur l'homme. Et ce niveau de preuve, on dit effectivement, il y a le niveau de preuve qui tendrait à montrer cette hypothèse. Soit il est très élevé, soit il est assez élevé, soit il est très limite, il est limité quoi. Et du coup, quand le statisticien qui a rédigé l'étude dit le niveau de preuve de la toxicité de ce pesticide-là chez l'homme, il a un niveau de preuve limité. Ça veut dire que bah probablement qu'il n'est pas cancérigène en fait. Mais sauf que Oui, il peut être il cancérigène. peut l'être, il peut l'être effectivement, il peut l'être. Mais nous, enfin ce que le statisticien voulait dire, c'est que il peut l'être. On peut pas laisser la possibilité de côté. C'est possible, c'est très possible. Mais quand même, ça semble plutôt compromis. ça qu'il veut dire. Pourtant, quand un profane lit ça, ou un profane ou quelqu'un qui n'est pas spécialiste de qui même a une formation scientifique, mais n'est pas forcément spécialiste de ce genre d'études, il va dire, bah, en fait, cette étude montre que c'est cancérigène. Alors que c'est tout le contraire que c'est tout le contraire que le scientifique a voulu dire. Il y a aussi ça qui joue, en fait. Et du coup, l'information scientifique dans les médias, on est dans un niveau, c'est assez catastrophique. Et surtout, je m'inquiète que c'est de pire en pire, parce que le gouvernement, le gouvernement donne effectivement moins de budget aux services publics. Et puis, il y a des émissions de vulgarisation scientifique comme C'est pas sorcier, qui était une émission mais très importante, parce que c'est l'une des rares émissions qui parlait sérieusement de science à la télévision, qui a été déprogrammée. Donc ça pose des questions. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où, comme je te l'avais rédigé dans l'édito, où les opinions, les faits et les contre-vérités sont au même niveau, en fait. Et c'est au téléspectateur de se faire une idée. Mais à ce moment-là, on peut se poser une question. Comment réussir à vulgariser une étude scientifique écrite dans un anglais jargonneux scientifique pour arriver à ce que les citoyens, les gens ordinaires, les profanes, ils puissent comprendre la subtilité de l'étude. Parce que c'est ça quand même au fond. C'est que tu disais tout à l'heure... Si ça se trouve, il y a des pesticides dans ta tasse de café, et finalement, si ça se trouve, c'est Cédric, t'auras le cancer parce que t'as bu la tasse de café, quoi. Alors que si on lit attentivement l'étude, la part que tu attrapes le café parce que t'as fait le podcast, elle est très faible. C'est pas exactement ce que j'ai dit que c'était le café qui était cancérigène en lui-même. C'est pas les pesticides qu'il y avait dans le café. Les pesticides, si on prend l'échelle, les pesticides qu'il y a dans mon café, ils sont considérés comme soit cancérigènes probables, soit un peu moins, tu vois. On n'est pas sûr qu'ils soient cancérigènes, alors que le café, on le sait. C'est ça que je voulais dire à la base. Et pour parler de la vulgarisation des sciences, le problème, c'est que on sait le faire, en fait. C'est-à-dire que les pays anglo-saxons arrivent très très bien à vulgariser les sciences. Il y a des journalistes dans les journaux anglo-saxons qui sont des journalistes scientifiques qui savent très bien vulgariser, qui ont très bonne notion d'épistémologie, qui savent très bien lire des études. Je pense que le problème, il est aussi franco-français. C'est-à-dire que quand on rentre dans une librairie américaine, ou anglaise ou quoi que ce soit, il y a plein de livres de vulgarisation scientifique. Alors que quand on va à la FNAC, il est vraiment très réduit le nombre de livres scientifiques. Et surtout, les livres qui vulgarisent les sciences sont mis à côté de livres qui sont pseudo-scientifiques, en fait. C'est ça le... Mais, et puis en plus, la communauté française scientifique, enfin de vulgarisation scientifique, elle existe. Elle est sur Internet principalement, mais sur YouTube, il y a d'excellentes vidéos de vulgarisation scientifique, il y a d'excellentes chaînes, il y a La Tronche en Biais, il y a Dirty Biology, il y a Hygiène Mentale, qui sont d'excellentes chaînes de vulgarisation. Donc du coup, c'est possible. Mais le problème, c'est que les journalistes sont pas formés pour ça. Et ils ont pas envie de le faire. Je pense que c'est aussi l'idéologie... notre époque de post-vérité, qui fait que finalement des journalistes politiques qui invitent un journaliste de droite, enfin une personnalité de droite, une personnalité de gauche sur un plateau, et puis effectivement c'est des opinions. Est-ce qu'il faut, je sais pas, c'est des choix de société, de la politique, c'est des opinions, donc tu peux éventuellement prendre un conservateur et un progressiste et les inviter tous les deux. Mais sauf que tu peux pas faire ça sur le climat. Tu peux pas inviter un scientifique, entre guillemets, qui relate juste l'état des sciences, et puis un autre scientifique qui ne relate pas l'état des connaissances, mais qui relate une opinion personnelle, une croyance personnelle qu'il a, et qui nie l'état des sciences, en fait. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des croyances ? Alors, moi, d'abord, j'aimerais parler de la façon dont je me suis commencé à m'intéresser aux pseudosciences. Parce que, en fait, c'est familial, en fait. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui, justement, s'intéressent aux pseudosciences, c'est qu'ils ont une famille qui était très versée dans les pseudosciences. Moi, j'ai une famille qui est très versée dans l'astrologie. Et très petit, hein. Très très petit, moi qui regardais souvent des documentaires scientifiques, C'est pas sorcier et tout ça, à la télé, tout bêtement, je me suis dit, mais ça a du sens ce qu'elle me dit, ma mère, que je suis un lion et que ma personnalité, toute ma personnalité, elle est conditionnée par le fait que je sois né en août, tel jour à telle heure. C'est ça, hein, c'est que ma mère, à chaque fois que je fais un truc ou que je fais quelque chose, elle me dit « Ah bah tiens, mais c'est parce que t'es un lion, en fait. T'es deuxième des cons, je sais pas quoi. T'es un lion. » Et très exactement, elle me dit ça. Et donc, à l'adolescence, je me suis dit « Il faut que je trouve les ressources pour... pour lui montrer que non, ma personnalité elle est pas liée à la façon dont étaient organisés les astres dans l'espace. » Et très vite, je me suis rendu compte que c'était difficile quand même de combattre l'irrationalisme par la rationalité pure, en fait. Souvent, les gens ils croient ce qu'ils veulent, en fait. Ils ont des croyances, et aussi, c'est important de le dire, c'est que les croyances, tout le monde en a. Mais que des fois, je veux dire, c'est pas important. Par contre, là, parce que voilà, alors que ma mère elle est fan de l'astrologie, d'accord, elle pense que les pierres ça soigne. Là, c'est un peu plus touchy. Quand on pense que les pseudosciences qui prétendent soigner, c'est un peu plus touchy quand même que croire que par exemple en pleine lune il y a plus de naissances. Et Cédric, est-ce qu'il y a des bovis dans cette émission? Des bovis. Ah non, mais ça, t'as vu l'émission, mais j'ai été explosé de rire quand j'ai découvert cette histoire de bovis. C'était incroyable. C'était incroyable, et surtout, ça me fait penser à ma famille, en fait, qui, justement, quand ils sont sûrs d'un truc comme ça, et qu'en fait, il y a plein de biais qui font que tu crois que des choses fausses sont réelles. Ton cerveau, enfin, l'évolution nous a doté d'un cerveau qui nous permet de nous renseigner très rapidement sur notre monde extérieur, en fait. Et on fait toujours ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire que si tu vas me lancer une pierre en pleine tête, que j'ai mal après que tu m'aies lancé une pierre en pleine tête, mon cerveau instantanément il va dire bah, c'est parce que tu m'as lancé une pierre que j'ai mal à la pierre a touché mon crâne, que j'ai mal à la tête, tu vois. Et pour toutes les inférences exactes qu'il fait, il en fait certaines qui sont pas exactes en fait, qui sont totalement fausses, mais qui sera convaincu. On sera convaincu que c'est exact. Ça c'est normal parce que en fait dans l'histoire de l'évolution c'était pas important, tu vois, genre qu'il y ait des trucs pas importants qu'on croit vrai, c'est pas très grave, ça conditionne pas notre survie. Et du coup il y a plein de choses qu'on pense que c'est vrai, et par les biais cognitifs qui existent, les différents biais cognitifs, on est toujours convaincu que c'est exact, et on a, et comme on n'est pas des êtres rationnels, nous les humains. Comme on n'est pas des êtres de rationalité, eh ben il faut faire l'effort d'affronter nos croyances avec une méthode. La méthode scientifique, par exemple, c'est la meilleure pour quand on a des croyances sur le monde, c'est la meilleure pour confronter nos croyances directement. Et qu'est-ce que tu en penses d'un débat beaucoup plus houleux qui divise, on va dire, les pseudo-scientifiques et les scientifiques? Concernant les pesticides et en particulier le glyphosate. Le glyphosate et les pesticides, c'est un sujet qui est épineux. Qui est épineux, mais en même temps qui est épineux et qui en même temps qui est aussi, je pense, parce que moi je différerai sur la plupart des éthiciens et des gens qui ont qui sont de l'aspect critique, c'est que effectivement les croyances des gens sont pas en accord avec les connaissances scientifiques, mais pourtant c'est une bonne santé intellectuelle des gens de critiquer l'industrie agroalimentaire telle qu'elle est, parce que l'industrie agroalimentaire elle est actuelle, elle est pas écologique, elle gâche énormément de nourriture, elle détruit la biodiversité, etc., etc. Donc c'est pas la bonne chose. Mais par contre on peut critiquer le fait qu'effectivement les gens on est mal informés sur le glyphosate, par exemple. Le glyphosate, Moi, je vais te dire clairement, je suis pour l'interdiction du glyphosate, après avoir étudié le sujet. Par contre, moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est cancérigène, en fait, pour l'homme. C'est cancérigène pour les animaux, ça peut être très dangereux pour la biodiversité, mais dire que c'est cancérigène pour l'homme, c'est quand même nier quand même l'état des connaissances qu'on a maintenant sur le glyphosate. Ça veut pas dire que c'est bon, ça veut pas dire qu'il faut pas légiférer dessus, ça veut pas dire qu'il faut aller vers un autre modèle agricole, mais je pense qu'on n'est pas assez informé dessus. Je vais prendre par exemple l'émission d'Élise Lucet, qui est une journaliste qui fait un travail qui est en général très bien. Ce qu'elle fait montrer, elle montre pas que le glyphosate, quand on s'attaque à la question du glyphosate, elle montre pas que le glyphosate est cancérigène. C'est-à-dire qu'elle fait une expérience où elle dit, elle va dans un magasin ou de fruits et de légumes et elle dit aux gens: tenez, venez passer un test d'urine pour voir si vous avez du glyphosate dans le sang. Les gens passent leur test d'urine et elle dit, bah regardez, vous avez tant de glyphosate dans le sang. Et puis les gens s'inquiètent et disent mais c'est inquiétant parce qu'on sait que le glyphosate c'est toxique et tout ça. Mais est-ce qu'on sait si à ce taux-là c'est dangereux? Et puis il y a Élise Lucet qui dit non, on sait pas. On sait pas que c'est dangereux. On sait pas parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas les financements pour faire des études sur le sujet. Elle est obligée de dire une contre-vérité absolue pour épouser sa thèse que franchement le glyphosate ça fait peur. Alors qu'on savait, on sait très bien, et ça a été démonté par les scientifiques de sciences et pseudosciences, on sait très bien qu'à cet eau-là, il n'y a aucun risque en fait. On sait très bien qu'à cet eau-là, il n'y a aucun risque. Mais après, j'ai pas envie de dire que les croyances des gens sur le sujet, c'est, je pense qu'entre autres, ils sont mal informés dans les médias. Ils sont très mal informés dans les médias, mais par contre, ils ont raison de. L'attitude critique vis-à-vis de l'industrie alimentaire, c'est plutôt sain. Mais voilà, je pense qu'aussi, on est dans un contexte où, comme on n'informe pas suffisamment les gens et que l'information scientifique elle est pas assez rigoureuse, ben on tombe sur ce genre de truc. Donc là, on va s'écouter une musique qui a été proposée par le camarade Gulmo, qui s'appelle How to Destroy Angel. C'est le groupe. C'est le groupe, comme il m'a dit. Et la chanson, c'est The Space in Between. Allez, on vous dit à tout à l'heure pour la seconde partie qui concernera quelles sont les pseudosciences. petite pause déjeuner. On s'est servi un café avec plein de pesticides pour nous donner le cancer. Et sur ce, on va passer sur la deuxième partie de notre émission. On va s'intéresser sur la question, finalement, quelles sont les pseudosciences aujourd'hui, Cédric ? Alors déjà, il faut, je pense... je pense qu'il faut dire déjà quel est le niveau de dangerosité de ces pseudosciences. Déjà, pour répondre à ta question, simplement, il y a vraiment plein de pseudosciences différentes. Déjà, je pense que le premier truc qu'on pourrait faire, c'est définir ce que c'est qu'une pseudoscience. Qu'est-ce qu'une pseudoscience ? Une pseudoscience, c'est un ensemble de connaissances qui ont l'air scientifiques, qui ont l'air de se baser sur la méthode scientifique, mais qui en fait ne sont qu'un ensemble de croyances en fait. C'est-à-dire que ça a la rigueur, on a l'impression que ça a la rigueur de la science, alors que ce n'est pas une science en fait. C'est-à-dire que, je veux dire, moi, je sais que j'ai une famille qui aime bien l'astrologie. Et ils m'ont dit, ouais, nous, on connaît des astrologues qui sont allés très très loin en maths pour étudier le mouvement des astres et tout ça. C'est-à-dire que vraiment, ils ont des formules, ils sont vraiment un bon niveau de maths. Enfin, peut-être pas un niveau de professeur d'université, enfin, ou alors d'ingénieur, mais ils ont un très bon niveau de maths pour décrire le mouvement des astres et leur influence sur notre personnalité sur tout ça. En fait, ça ressemble à... C'est que, voilà, ça a la prétention d'être une science, mais ça n'en est pas une. Par exemple, il y a plein de pseudosciences. L'astrologie, c'en est une, par exemple. Mais il y a, genre, l'homéopathie. On va parler plus en détail après. C'est une pseudoscience, par exemple. La psychanalyse, par exemple. Important. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pseudo-scientifiques dans la psychanalyse. Des choses qui semblent, y a des choses aussi qui sont à la fois, par exemple en médecine, l'ostéopathie, je crois que ça se dit comme ça, l'ostéopathie, voilà, l'ostéopathie. C'est à la fois, ça se base à la fois en partie sur des trucs qui sont vrais médicalement, tu vois, que les kinés font, mais à côté de ça, c'est-à-dire que c'est en couplage entre des choses qu'on soigne comme ça en fait, c'est-à-dire que des choses qui sont des soins réels qu'on peut apporter aux gens, puis il y a au-dessus une couche de pseudosciences en fait, et du coup elles peuvent présenter plein d'aspects différents, et je pense que ce qu'il faut établir, c'est leur niveau de dangerosité en fait, parce que effectivement on peut voir les pseudosciences comme peut ne pas être très grave en soi. Je veux dire, quelqu'un qui est intéressé sur, je sais pas moi, l'art de la comment on s'appelle, de tirer les cartes par exemple. Le tarot. Voilà, le tarot par exemple, ou qui peut lire des livres d'astrologie dans son coin. Ben voilà, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qui doit nous inquiéter nous collectivement, donc société, c'est quand ça devient un des dérives sectaires. Deux, quand ça touche à la médecine en fait, c'est-à-dire que quand on prétend soigner des gens avec des pseudosciences, même des choses qui ont l'air, si on n'y prête pas trop attention, totalement inoffensives comme l'homéopathie, ça peut être dangereux, ça peut même parfois être très dangereux. Donc, pour parler de pseudosciences, de quoi on pourrait parler ? On pourrait parler de... Et si tu disais tout à l'heure en off, oui. On a parlé des écoles Steiner, oui. Waldorf et de l'anthroposophie, et pour rentrer plus dans ce détail-là, parce que c'est vrai que on a eu la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui avait cofondé une école Steiner. Oui, ce qui est grave, ce qui est très grave. L'anthroposophie en fait c'est une secte en fait, c'est des choses qui ont des dérives sectaires assez importantes, et moi oui, mais même en off on avait parlé d'un truc, c'est que d'une pseudoscience, enfin de ce que je qualifie de pseudoscience moi, c'est-à-dire l'agriculture biologique. Pourquoi c'est une pseudoscience l'agriculture biologique? Pas parce que c'est important de manger plus sain, pas parce que c'est important de se débarrasser de notre modèle agricole. Mais c'est pseudo-scientifique parce que ça part de l'idée qu'il faut revenir avec une agriculture qui est plus proche de la nature, qui est plus proche, dans laquelle on s'est débarrassé des pesticides de synthèse. De fait, je vais peut-être apprendre un truc à nos auditeurs, c'est que en agriculture biologique, on utilise des pesticides. On utilise beaucoup de pesticides. L'agriculture biologique n'est pas l'agriculture sans pesticides. Et d'ailleurs, à ce propos, des pesticides qui peuvent être parfois très dangereux. Je t'en avais parlé en off. On parlait du glyphosate et de la dangerosité, mais à côté de par exemple la bouillie bordelaise qui utilise des sulfates de cuivre et qui est encore utilisée en agriculture biologique, c'est bien gentil le glyphosate. Le sulfate de cuivre est un poison pour l'homme et on l'utilise pour traiter certaines maladies dans les vignes et c'est utilisé en agriculture biologique. Donc l'agriculture biologique c'est pas manger plus sain, c'est partir d'un concept que forcément, vu qu'on est plus sur des méthodes agricoles qui sont plus anciennes, et ben c'est plus sain que la chimie moderne. Et ça vient aussi d'une déification de la nature, c'est-à-dire la nature c'est incroyable et tout ça, qui est pas bonne du tout. Les mouvements politiques qui sont, je vais pas faire un petit cours d'histoire, mais les mouvements politiques qui voulaient se débarrasser de l'homme artificiel et qui voulaient un homme naturel plus proche de la nature et revenir à la nature, c'est pas des bons mouvements. Et on le voit avec l'école Steiner, parce qu'il y a, comment s'appelle là, le gourou là un peu de l'écologie. Pierre Rabhi. Oui, Pierre Rabhi, voilà. Il part sur un discours écologiste à la base. Il dit, il faut bio, il faut que l'homme soit plus proche de la nature, la modernité, ça avilit l'homme, machin et tout ça. Et quand on regarde ce que son mouvement, sa secte, parce que c'est une secte, hein, je veux dire, on en parle sur le bateau de télé, comme un militant écologique, en réalité, c'est un gourou de secte, Pierre Rabhi. Sa secte, les écoles Steiner et puis l'anthroposophie, c'est une secte qui a été mise en place par un nazi. Non mais genre vraiment, c'est un membre du parti national-socialiste, c'est pas genre une hyperbole ou quoi que ce soit. C'est un membre du parti national-socialiste qui, à l'époque où ce qu'on sait peu, c'est que les nazis étaient très portés sur les pseudosciences aussi, et sur le mysticisme, sur l'occultisme et tout ça, et c'était une secte, enfin il a fondé une secte qui était une secte proche, enfin même du parti national-socialiste. Ouais, puis il faut savoir, c'est que aussi on parle beaucoup de biodynamie, mais je pense que les auditeurs ils doivent savoir quelque chose. C'est que si la biodynamie est utilisée, c'est vrai, de façon très marginale dans l'agriculture, elle a quand même été expérimentée dans le camp de concentration et d'extermination de Dachau, quoi. Ça, c'est un fait établi, il y a des preuves historiques là-dessus, et ça peut qu'interroger finalement le fond de la pensée. Et puis Cédric aussi, ce qui m'intéresse, c'est l'appel à la nature. Mmh. Ah oui, mais c'est un argument fallacieux, l'appel à la nature. C'est aussi ça, oui, effectivement, c'est que ça part d'un appel à la nature. Ça veut dire que, comment on pourrait traiter l'argument, c'est que, en fait, tout ce qui est naturel est mieux, en fait. Tout ce qui est à l'état de nature est mieux. L'un des exemples qu'on a, qui ne concerne pas les pseudosciences, mais qu'on a eu avec le mariage pour tous, c'est que l'homosexualité n'était pas naturelle, par exemple. Et donc, comme c'est contre nature, comme le signifiait une personne interrogée au petit journal dont tout le monde s'est foutu, et à juste titre, du coup, on devrait pas encourager l'homosexualité parce que c'est contre nature. En réalité, on n'est pas naturel. Je veux dire, dans notre société, entre guillemets, nous, les hommes de la société, on a dépassé l'état d'être naturel, on n'est plus des hommes des cavernes, et puis genre, heureusement, parce que je veux dire, l'homme naturel, il pouvait tuer des gamins, pour parce qu'il était chef de clan, tu vois, c'est dire de genre de choses, on n'est plus ça, enfin, la civilisation nous a fait bondir quand même, a agrandi notre humanité. Donc, à partir du moment où on se dit, tout ce qui est naturel est mieux, c'est pas un argument, et en plus, ce qui est encore plus ridicule, c'est que récemment, il y a des études récentes qui tentent à montrer des Français qui sont des psychologues évolutionnaires. C'est une discipline jeune qui a plein de défauts, notamment de fait que des disciplines jeunes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore une méthodologie qui est ultra solide, contrairement aux disciplines plus anciennes. Du coup, il y a des papiers qui sont des études qui sont pas super, super rigoureuses. Mais enfin bref, il y a des Français qui ont montré, en plus de ça, c'est pour montrer l'absurdité de l'argument, que l'homosexualité, en fait, ça aurait été un avantage évolutionnaire dans notre lignée humaine, en fait. Parce que l'hypothèse qu'ils sont en train de travailler, qu'ils pensent qu'ils vont prouver, c'est qu'un couple homosexuel ne pouvant pas procréer peut justement adopter dans sa famille des enfants qui n'ont plus de parents. C'est ça aussi, c'est ça la théorie qui pense prouver. Mais voilà, c'est-à-dire que je digresse un peu, mais c'est pour vous dire que quand on vous dit nature, c'est mieux, quand on fait un appel à la nature, forcément c'est foireux. Forcément c'est foireux. Et donc l'agriculture biologique, c'est juste un grand appel à la nature. En plus, c'est aussi ridicule parce que, genre, qu'est-ce qui est naturel en fait? Parce que, genre, on utilise des pesticides que les hommes ont transformés, parce que c'est des pesticides, hein. Il fallait bien les transformer puis les appliquer, ça n'a rien de naturel d'appliquer des pesticides. Mais en quoi ces pesticides sont plus naturels que ceux faits en laboratoire? Et ça me fait penser à ce que la tronche en biais, qui est quand même une chaîne sceptique. De qualité. Une très bonne qualité, oui. Il parlait d'une boisson gazeuse très connue, créée par les soviétiques. Je ne connais pas du tout. Non. Je ne sais pas, peut-être pas suivi cette histoire. C'est un cola, c'est un Coca-Cola, bref, je délire un peu. Et il disait que finalement, l'eau, finalement, c'est naturel, le gaz, c'est naturel. Oui. Les colorants qui sont ajoutés là-dedans, ils existent à l'état naturel, voilà, etc. C'est ça. Et en fait, la boisson, elle a que des produits qu'on retrouve à l'état de nature, ou que la nature s'est transformée par elle-même, mais parce que le produit, il est modifié et qu'il est gazeux, ils disent, ah oui, mais non, mais ça, c'est pas naturel. Mais en fait, si, c'est naturel. C'est juste que... On a transformé des produits naturels. C'est-à-dire que la barrière nature... Enfin, j'en ai discuté avec un philosophe qui me disait que la barrière nature-artificielle, finalement, enfin, c'est des sujets qui pourraient être très complexes. Mais en réalité, voilà, enfin, l'appel à la nature, c'est jamais un bon truc. Il y a une partie de pseudo-sciences médicales qui disent c'est sain et naturel, des thérapies naturelles. Enfin, moi, je prends souvent l'exemple de l'aspirine. L'aspirine, on le trouve dans la nature aussi. Mais genre, en tant que tel, dans la nature. On le trouve dans la nature. C'est quoi c'est, on le trouve, il me semble, hein, je suis pas spécialiste, je vais peut-être dire une bêtise, mais on le trouve dans certains lacs. Il y a des lacs où, dans certains biomes, on trouve des lacs qui produisent les molécules de l'aspirine. C'est avant, d'ailleurs, ou dans des plantes, je sais pas exactement, mais on trouve l'aspirine à l'état de nature tel quel. Je te confirme. Est-ce que prendre de l'eau dans un lac dégueulasse... Et en faire un médicament, j'imagine que ça coûterait plus cher, qu'on pourrait pas le produire massivement. Et est-ce que finalement c'est plus sain que de le faire en laboratoire, que de produire cette même aspirine en laboratoire, en étant sûr qu'il n'y a que de l'aspirine, que c'est contrôlé par une quantité de formation qui vérifie bien qu'il y ait les bonnes doses et que ce soit vraiment compatible avec le corps humain. Enfin moi entre les deux, entre le truc de la solution naturelle et la solution chimique qui est issue de la chimie de synthèse, mais qui pourtant et plus efficace parce qu'il n'y aura peut-être pas de bactéries, il n'y aura peut-être pas machin, c'est plus efficace. Moi je préfère la solution de chimie parce que la chimie c'est quand même une. Il faut pas oublier une grande avancée quoi pour nous les humains. Et il faut arrêter de croire que. Enfin, regardez la modernité ou les technologies modernes, forcément dans leur pendant négatif et pas les regarder dans leur complexité. Et puis on a aussi l'apparition. De coach personnel et de certaines thérapies. Ah oui. Si tu veux, on va passer aux pseudo-sciences médicales. Ouais, je pense qu'on va... On va attaquer on ça. Va, on va attaquer ce parce thème-là. Que là, parce que là, c'est quand même un des plus grands dangers des pseudo-sciences. Si ce n'est le plus grand, c'est quand il y a des gens... Enfin, il y a une... Dans la population, il y a une... avec les scandales sanitaires tels que le Mediator... Mais d'autres hein, qui concernent le médicament, il y a une défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique qui est à la fois justifiée et pas justifiée, c'est-à-dire ça dépend où met la critique. Mais c'est vrai que c'est pas des entreprises toutes propres, Genre, elles ont permis le Mediator, elles ont permis de falsifier des études pour qui masquaient les laboratoires servis, elles ont falsifié des études pour permettre la commercialisation du Mediator. Donc, il y a des critiques qu'on peut leur faire, et c'est bien normal. Par contre, il y a un mouvement qui est pas bon dans la société française, c'est celui que des médecines alternatives, entre guillemets, qu'on dit. C'est tout ce qui est médecine, on peut soigner, mais sans qu'il y ait de risque en réalité. Tout médecin ou toute personne qui a étudié un peu ce que c'est que les sciences médicales, c'est que un traitement, généralement, c'est un équilibre entre c'est un équilibre entre les risques et les bénéfices, en fait. Ça veut dire que par exemple, un médicament qui peut être très risqué, mais qui peut vous sauver la vie, il faut faire un jugement pour savoir est-ce que ta situation fait que tu le prends réellement. C'est jamais anodin, un médicament, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que on peut saluer le fait que récemment, on a décidé de pas mettre, de plus laisser le paracétamol en libre-service. Ça peut être un médicament anodin, ça peut être un médicament qui peut être hépatotoxique si on ne respecte pas les conditions d'utilisation. Donc c'est jamais anodin, un médicament. C'est jamais anodin, et puis il y a toujours des risques. Il y a toujours des effets secondaires et tout ça. Et vis-à-vis de ça, et vis-à-vis d'un manque de confiance de l'industrie pharmaceutique, il y a des gens qui pensent, qui veulent se soigner, sans que leur vie en soit menacée. Et c'est une pente dangereuse. On parle récemment, tu m'avais parlé en off, non, je pense pas que tu m'avais parlé en off, mais tu voulais parler des coachs de santé. Oui, ouais, c'est ça. Des coachs de santé, parce que c'est vrai que il apparaît de plus en plus des coachs spirituels, des coachs... Notamment vis-à-vis du cancer, des vaccins. Ça, on va parler après. D'accord. Et c'est vrai qu'on arrive avec des coachs qui ont des méthodes spirituelles allant sur le bien-être intérieur. Mmh. Et ça rejoint un peu ce qu'on parlait de l'appel à la nature. Oui. Mais toute la dimension psychologique de la personne, bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a une certaine dérive sectaire aussi. Oui, c'est ça. Les croyances des gens, c'est pas un problème. Je veux dire que les gens, ils peuvent avoir une spiritualité qu'ils veulent, ils peuvent aller voir des gens qui, justement, ils peuvent se tourner vers les croyances ou la religion ou quoi que ce soit d'autre qui peuvent justement avoir un soutien pour eux ou les aider à se sentir bien. Voilà, a priori, les croyances, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il y a des coachs effectivement qui pensent que. Qui utilisent des croyances en disant, bah effectivement, ça va avoir un impact sur ta santé, en fait. C'est-à-dire que ne te soigne pas comme ça, soigne-toi avec ça. Et ça, tu vois, les médecins t'en parlent pas, mais c'est bien plus efficace que ce que les médecins te donnent, en fait. Et tu devrais le faire. Et à cause de ce genre de choses, il peut y avoir des drames. Parfois, quand vous avez un cancer, ou quand votre gamin a un cancer, écoutez ce que les médecins vous disent. Écoutez pas ce que les gourous vous disent d'aller oui paye-moi, ça sera mieux qu'une chimio parce que la chimio c'est pire que le mal et tout ça, des conneries de ce genre là qui sont des idées répandues, parce qu'effectivement une chimio c'est pas forcément facile, une chirurgie pour traiter le cancer c'est pas forcément facile, et il y a des gens qui te disent, même certains qui sont professeurs en médecine, hein, le professeur Joyeux d'ailleurs, qui est quand même une belle ordure. Et justement, on va passer sur la thématique des vaccins, ah oui, et du mouvement anti-vax. C'est important parce que... Et je vais terminer, Cédric, si tu veux bien. Là, l'émission, elle s'appelle « Tu la sens, la liberté », mais avant, elle s'appelait « Les cahiers de libertaires ». Et c'est vrai que j'avais fait une petite émission... qui durait 10-15 minutes, sur la thématique des vaccins. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la balance bénéfice-risque, finalement, elle est très importante, quoi. Et le problème, c'est qu'on a une déficience énorme vis-à-vis des vaccins. Et du coup... On a des personnes qui se vaccinent plus, qui tombent malades, qui entraînent les personnes qui sont vaccinées mais non immunisées, qui tombent malades, et ainsi de suite. Et ça fait un roulement de tambour, quoi. Oui, mais en fait, c'est extrêmement grave ce qui se passe avec le mouvement anti-vax. Et on parlait au début de l'émission des médias qui veulent pas, qui font pas la différence entre les faits, les contre-vérités et les opinions. On a des anti-vax qui passent dans les matinales télé en disant des âneries pas possibles. D'où ça vient le mouvement anti-vax? Ça vient d'un type, je sais plus comment il s'appelle, aux États-Unis, qui a falsifié une étude en disant que les vaccins provoquaient le cancer. Enfin, ça a été prouvé qu'il a falsifié son étude complètement. Il s'est fait virer de. Il a été mis au ban la communauté scientifique. Pourtant, on dit régulièrement, on entend régulièrement, même à la radio, je veux dire, des endroits, ça n'a pas sa place. Des gens dire, effectivement, ça prouve. Il y a des médias qui mettent une rumeur au niveau de vérité, en fait. C'est-à-dire que c'est un fait ou alors c'est une opinion qui se défend, l'antivax. Pas du tout. Les antivax, enfin, le mouvement antivax, c'est criminel. Et je pèse mes mots de laisser s'instiller dans la tête des gens. On parlait du rapport, effectivement, risque-bénéfice. Le vaccin, ça a un risque, effectivement. Ça a des risques, le vaccin, mais ils sont infimes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une chance sur plusieurs millions que quand tu prends un vaccin, tu puisses avoir besoin d'aller à l'hôpital. C'est une chance sur plusieurs millions. C'est extrêmement rare quand ça arrive. C'est extrêmement rare, pourtant ça arrive. Tu peux faire une réaction allergique au vaccin, mais les bénéfices de cette chance sur un million, t'as plus de chances de gagner au loto que de tomber malade à cause de ton vaccin. Cette chance-là, elle permet, ce risque minime qui est pris, il permet un bénéfice absolument gigantesque. On a éradiqué des maladies avec les vaccins. Les vaccins, ça fonctionne. Y a la littérature scientifique, elle est remplie de ça. On a toutes les preuves de l'efficacité des vaccins. C'est un fait. Dire que les antivax, laisser parler des antivax dans les médias, c'est criminel parce que avec le mouvement antivax, on voit des maladies ressurgir qu'on avait quasiment éliminées. Ressurgir parce que les gens ne veulent plus se vacciner. Et c'est pas dangereux uniquement pour les enfants des antivax ou pour les antivax eux-mêmes. C'est aussi dangereux pour les gens qui sont immunodéficients et qui peuvent pas justement avoir une immunité à cause des vaccins, grâce au vaccin. Du coup, ils sont obligés de profiter du fait que tout le monde autour d'eux est immunisé. Et ça, ces gens-là, qui sont très vulnérables, ils peuvent attraper simplement parce qu'il y a des gens qui pensent que les vaccins c'est dangereux, ou que ça peut être dangereux, alors que ça l'est pas du tout. Enfin, oui, effectivement, mais s'ils considèrent qu'avoir une chance infime de te retrouver à l'hôpital, mais vraiment infinitésimal de te retrouver à l'hôpital, c'est un danger réel, t'es complètement dans l'irrationalisme. Ouais, puis il y a une question plus philosophique, parce que on parle que les antivax ils sont dangereux et que ils mettent en danger les plus faibles finalement de notre société, c'est-à-dire les immunodéficients, les enfants et les personnes âgées. On va dire il y a trois catégories. Est-ce que il serait pas intéressant, et je pose mes mots, c'est peut-être un peu radical, mais de faire une sorte de censure sur les antivax sur les plateaux de télévision? Oui, je pense, en fait. Je pense que c'est pas une censure qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'il y a des propos. Enfin, je pense que, à part si on a une vision libertarienne, la liberté d'expression, c'est-à-dire que tout est acceptable en public, nous, je pense qu'on est quand même dans nos pays continentaux, plus cette vision, il y a des choses qui sont acceptables, genre appeler au meurtre, au crime religieux à la télévision. Dire que avoir des propos ouvertement racistes à la télévision, les propos négationnistes, on va pas quand même le laisser, parce que les propos racistes et négationnistes ont un impact réel sur la vie des gens. Je veux dire, les saillies islamophobes ou anti-musulmans qu'on voit dans les médias, ça se transforme, et j'aimerais le rappeler, hein, au coup de poing dans la figure aux gens qui sont déjà victimes de racisme. C'est ça en fait. Y a un lien direct avec le climat islamophobe ou anti-musulman. Souvent on me dit qu'il faut pas employer islamophobe, moi je m'en fiche, je voulais les deux mots. Mais bref, on me dit c'est mieux anti-musulman, enfin bref, moi je m'en fiche de ce débat. En ce moment dans les médias, il y a eu un très gros climat islamophobe, des questions complètement pétées sur est-ce que c'est bien les personnes voilées dans l'espace public, enfin des trucs conneries qui appelaient à la haine des musulmans. Sur ce plan-là, ça s'est transformé en l'attentat qu'on a eu dans la mosquée. Il faut pas croire que dans une ère où il y a des médias de masse, les propos de masse dans ce genre-là, ça a pas d'influence dans le réel. Et je pense que oui, appeler à dire aux gens des choses fausses, laisser croire une seule seconde, qu'on puisse attraper, avoir de l'autisme, ou que ça puisse être dangereux, les vaccins, alors que les gens qui y pensent, les gens qui pensent cette idée-là peuvent mettre... si ça concernait que, limite quoi que si... Si même si ça concernait que la personne en tant que telle, ce serait grave, parce que faire croire que c'est une hypothèse valable, ce serait dangereux. Mais là, sauf que c'est encore plus grave que ça, c'est qu'il met en danger sa personne, ses enfants, et puis tout le reste de son entourage, une personne qui ne se vaccine pas. Il faut aussi mettre ça en compte. On a éradiqué des maladies, c'est prouvable. C'est prouvé, prouvable, avec les vaccins. On a réduit à quasiment néant des maladies qu'on ne peut pas éradiquer, parce qu'en fait, il y a les maladies qu'on peut éradiquer grâce aux vaccins, c'est des maladies qui sont qu'humaines, en fait, qui ne se transmettent pas aux animaux. Il y a des maladies qui étaient dormantes parce qu'elles étaient présentes chez les animaux, mais pas chez les humains, qui ont ressurgi avec le mouvement anti-vax. Donc moi, je pense que oui, il faut légiférer dessus. C'est qu'il faut légiférer. Et puis c'est vrai, on parle un peu plus de temps du mouvement anti-vax, mais je pense que c'est aussi important, et il y a une page Facebook qui s'appelle Les Vaxeuses, qui font un travail de fond au niveau des articles, et qui travaillent avec la presse, et qui permettent d'être un véritable rempart, finalement, par rapport aux arguments qu'utilisent les anti-vax, quoi. Et aussi, et ce qu'il faut savoir, c'est que... Une maladie qui était quasiment totalement éradiquée en France, c'était la rougeole. Et qu'est-ce qu'on voit en France, en Allemagne? La rougeole augmente, mais les centres d'épidémie, j'ai du mal. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne les écoles Steiner. Oui. Les écoles fondamentalistes catholiques. Donc il y a une dérive sectaire aussi derrière. Bah oui, il y a une idée sectaire. Et on en revient au point de départ. Qui est... rappelle-moi le point de départ, Pierre. Le point de départ, on parlait de l'anthroposophie, comme quoi c'était une logique sectaire. Et là, justement, le mouvement anti-vax... C'est un mouvement sectaire. Oui, le mouvement anti-vax, c'est un mouvement sectaire, et puis surtout, il y a des biais qui se disent que, comme vous l'avez dit au début de l'émission, on peut croire des choses, on peut les croire profondément vraies à cause du fonctionnement de notre psychologie. Et les anti-vax, ils utilisent les biais des gens pour faire croire qu'ils ont raison. Ils n'essaient pas de les convaincre par la logique ou par la rationalité, ils utilisent les biais. Il y en a un qui m'intéresse en tant que les antivax. En ce qui concerne les antivax, c'est l'argument d'autorité, finalement. Il y a des professeurs en médecine, par exemple le professeur Joyeux, qui est médecin, qui est professeur en médecine, et qui pourtant dit effectivement les vaccins c'est dangereux, les cancers, finalement les chimios, c'est vrai que ça fait plus de mal que de bien et tout ça. Et en fait, on est en train de l'argument d'autorité, c'est de penser qu'une figure d'autorité ou une figure qui semble avoir l'autorité, elle dit forcément tout le temps la vérité, en fait. Elle dit tout le temps, vu que c'est un spécialiste, ce spécialiste, il a quand même un fond de vrai. Or, c'est une mauvaise méthode, parce que le professeur Joyeux, il est complètement en train de délirer. C'est pas parce qu'il est professeur qu'il ne peut pas dire n'importe quoi sur sa discipline. Et là, en l'occurrence, il dit n'importe quoi sur le vaccin. Et de toute façon, il est mis au banc des médecins. Et il sera de toute façon bientôt plus médecin, le professeur Joyeux. Donc il faut faire attention. C'est pas parce qu'un physicien vous dit que la Terre est plate, parce que ça arrive, hein. Il y a des physiciens, notamment aux États-Unis, j'ai vu un physicien qui disait effectivement, je crois les platistes. Un physicien qui vous dit que la Terre est plate, que la Terre est plate. C'est pas parce qu'il y a un pilote d'avion de ligne ou d'avion de chasse qui vous dit qu'il a vu des extraterrestres, que les extraterrestres sont arrivés sur Terre. Et ça, il faut faire attention justement à l'argument d'autorité, parce qu'on a toujours tendance à suspendre son jugement à quelqu'un qui est plus compétent que soi, en fait, ou qui nous semble plus compétent que soi dans ce domaine-là. Et puis, ce qu'il faut se rendre compte également, c'est que chez les anti-vax, de manière générale, il y a deux types d'arguments. Il y a convaincre et persuader. Oui. On convainc sur des arguments avec une démarche assez rationnelle. Et quand on persuade, on utilise le biais des sentiments. Oui. Et dès qu'on utilise le biais des sentiments, finalement, on n'a pas pour volonté que la personne elle puisse construire un propre raisonnement par elle-même, en lui donnant des arguments basés sur de la littérature scientifique, sur des articles sérieux de presse. Les antivax, ils vont par exemple raconter des super belles histoires qui finissent toujours en catastrophe pour démontrer leurs propos et que ça joue sur les sentiments de la personne. Mais ces arguments de persuadé, finalement, ils sont totalement abjects. Parce que, un, ils jouent avec le cœur et les sentiments de la personne, c'est-à-dire ils sont dans une logique réactionnaire. Parce que le fait de créer une réaction à partir de sentiments, c'est une pensée réactionnaire. Et ça, je pense que les auditeurs, ils en ont peut-être conscience, mais peut-être pas assez, quoi. Et ça vaut pour les antivax, mais ça vaut aussi pour l'extrême droite. Hein. Oui. Ça vaut pour tous les mouvements qu'utilisent... la pensée réactionnaire, quoi. Mais après, c'est vrai qu'aussi, parfois, on a tendance à être très irrationnel. Moi, c'est pas un secret, c'est que je suis communiste, quand je parle avec des communistes du glyphosate, où j'ai tendance à voir ça, je veux dire, il y a des scientifiques du parti, j'ai vu des scientifiques du parti dire ce que j'avais dit plutôt sur le glyphosate, c'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, ce serait peut-être bon de l'interdire quand on l'a utilisé massivement en glyphosate, mais qu'en même temps, il ne faut pas se mentir, il n'est pas cancérigène chez l'homme. Ou alors, il est peu probable, en tout cas, le truc rigoureux, c'est de dire qu'il est peu probable que ce soit cancérigène chez l'homme. Ou cancérigène aux doses qui sont utilisées, en fait, aux doses pour lesquelles sont exposés ne serait-ce que les ouvriers agricoles. Et vis-à-vis de ça, on a une remarque qui est très émotionnelle de la part des camarades qui ont pas forcément fait un travail de fond dessus, mais dont on a montré à la télé des enfants qui sont handicapés à cause où on attribue justement le handicap au glyphosate. C'est une démarche qui est émotionnelle et puis une démarche ça touche à l'émotion. Sans vouloir polémiquer plus loin, il y a eu d'autres choses en ce qui concerne les affaires de santé publique, il y a aussi par exemple le nuage de Tchernobyl qui est arrivé sur la France. Le nuage de Tchernobyl, c'est important d'en parler parce qu'on sait aujourd'hui, on sait avec les études de l'OMS, que la hausse des cancers de la thyroïde, c'est pas dû à ce nuage-là. On sait pas exactement à quoi c'est dû. C'est peut-être, je lui pose la thèse la plus probable, que comme on diagnostique plus les cancers de la thyroïde, bah forcément sur les statistiques, on voit plus de gens qui sont atteints. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui avaient le cancer de la thyroïde mais qu'on voyait pas. Mais c'est peut-être autre chose, hein. C'est peut-être aussi des facteurs environnementaux, mais l'OMS a déterminé que non, en France, il n'y a aucun cas de cancer dû au nuage de Tchernobyl. Et pourtant, c'est une idée très puissante chez les gens. Et puis, il y a des gens qui ont, parce qu'ils ont connu des gens de leur famille qui sont peut-être morts d'un cancer de la thyroïde, ou alors qui ont eu des gros problèmes de santé à cause de ça, qui ne veulent pas qu'on leur dise ça. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi l'aspect humain aussi, donc, quand on parle de science, et parfois, il n'est pas forcément simple à gérer. Et du coup, là, on va mettre une petite musique et on va passer à la troisième partie qui concerne l'une des pseudosciences les plus répandues, à savoir l'homéopathie, dont on a parlé un peu en substrat au cours de cette partie. Et je vous dis à tout à l'heure. Hara hara Shankara, jaya jaya Shankara. Kamakshi Shankara, Jaya Jaya Shankara. We'll be right back. Pour la troisième partie de notre émission sur les pseudosciences, et là on va parler en particulier de l'homéopathie. Alors moi je suis pas vraiment un expert de l'homéopathie, mais Cédric a plus de connaissances que moi, il va pouvoir m'expliquer un peu le tenant et les aboutissants et les risques de l'homéopathie. Alors, loin de moi d'être un expert en homéopathie, mais j'ai quand même travaillé, enfin j'ai quand même fait des recherches dessus, j'ai quand même un peu bossé dessus, notamment pour un article que j'ai écrit. Et déjà, avant tout, je vous conseille, si vous voulez vous informer sur le sujet, les excellentes références et le boulot de Thomas Durand, aka Serment d'Axe, qui a fait de très bonnes vidéos YouTube et qui a fait un très très bon livre qui résume l'état des connaissances qu'on a sur l'homéopathie. Alors, l'homéopathie. En plus, c'est parfait en fin d'émission parce que ça, je pense que ça peut synthétiser aussi tout le danger qui est de certaines croyances qui ont semblé inoffensives à la base. Déjà, on va commencer par une. Qu'est-ce que c'est que l'homéopathie ? L'homéopathie, ça commence à la fin du XVIIIe siècle. C'est un médecin de l'époque, Samuel Ahrenmann, enfin, c'est un Allemand, je ne sais pas comment on prononce son nom. Bref, c'est un médecin allemand qui est atterré par les pratiques médicales de l'époque. Et à l'époque, il faut savoir qu'il faut remettre dans le contexte, au XVIIIe siècle, la médecine elle est tout sauf scientifique. C'est une médecine qui est basée, enfin qui est une médecine qu'on dit héroïque, que les universitaires qualifient d'héroïque. C'est une médecine qui part sur des postulats non scientifiques et qui parle sur le fait, par exemple, ce qui est une aberration aujourd'hui, qui est de dire que chaque symptôme c'est la maladie en elle-même, c'est-à-dire que c'est une complication de la maladie, il faut absolument les supprimer de la manière la plus violente possible, hein. Parce que genre c'est genre la fièvre, aujourd'hui on sait que c'est que la fièvre par exemple c'est un résultat de la maladie du corps qui essaye de se défendre, mais à l'époque c'était une très grave complication et c'était la maladie en elle-même et du coup il fallait combattre la fièvre. Et du coup le résultat de cette médecine c'est qu'elle était violente et puis il y avait les malades avaient plus de chances d'avoir des complications liées au traitement que ils étaient mieux quand ils n'étaient pas soignés par cette médecine là. Et face à ce constat, ce médecin-là, le créateur de l'homéopathie, il conçoit bien effectivement qu'il faut avoir une médecine qui soit pas aussi violente et qui permette de soigner les gens. Et du coup, il invente l'homéopathie parce qu'il a une idée, ce qu'il appelle lui-même une inspiration divine. Lui, son idée de l'homéopathie, ça lui vient d'une inspiration divine. En réalité, il reprend certaines idées qui étaient développées dans la Grèce antique quand les philosophes parlaient de médecine. Il dit, grosso modo, imaginons que il y a telle ou telle chose qui me provoque personnellement un mal. C'est-à-dire que c'est l'homéopathe qui crée les traitements, Dans la théorie de base, c'est qu'il doit prendre une substance qui lui provoque un mal, voir sur lui-même ce que ça lui provoque, et ensuite décider qu'une dilution importante, voire extrême, hein, dans les cas pratiques, de cette substance-là, soignerait la maladie ou aiderait à soigner cette maladie-là. Ça, c'est le premier principe de l'homéopathie, c'est le principe de similitude. Ensuite, oui, il y a le deuxième principe, c'est le principe de haute dilution, c'est-à-dire que la substance qui provoque ce mal doit être diluée. Et c'est pas que des plantes, parce qu'on a ce préjugé, cette fake news un peu qui dirait que l'homéopathie c'est soigné par les plantes. C'est pas vrai. L'homéopathie c'est n'importe quelle substance. Ça peut même être des substances complètement bizarres, hein. Ça peut être des muqueuses vaginales diluées, Boiron ils vont ça par exemple, hein. Le vagin 15cc ça existe, Boiron en vend. C'est n'importe quelle substance qui provoque un mal chez l'expérimentateur, dilué, ça permettrait plus ou moins de contrecarrer ce mal. Ensuite, il y a le principe de dynamisation. Ce médecin-là a considéré qu'à un moment, il a pris son traitement homéopathique qu'il avait concocté, qu'il avait lui-même dilué. Il a pris ce traitement et il allait soigner un patient à dos de cheval. Et il a trouvé que quand les patients qu'il soignait, ou le patient, je ne sais plus exactement le détail de cette histoire, mais le patient qu'il a soigné en ayant pris son cheval, bah, il allait mieux que le patient qu'il avait vu quand il se dépassait à pied. Donc oui, il en a déduit que la dynamisation, c'est-à-dire que le fait de secouer le remède homéopathique, enfin le pseudo-remède pour le coup, parce que on va y revenir dessus, mais ça n'a pas d'efficacité, l'homéopathie. Le remède homéopathique serait plus efficace. Et ensuite, il y a aussi un truc qui peut paraître étrange, hein, c'est le principe d'individualisation. Pour les homéopathes et pour le médecin en question, le médecin qui a créé l'homéopathie, tout médicament ne soigne pas, enfin les médicaments, un remède ou une substance homéopathique ne va pas soigner pareil les personnes atteintes d'une même maladie. C'est-à-dire qu'il y a la personnalité de la personne qui joue. C'est-à-dire qu'il y a son aide, sa personnalité, son histoire et tout ça qui joue. C'est-à-dire qu'une personne qui a un état grippal ou ce qu'ils appellent un état grippal ou une grippe qu'on soigne avec un traitement, lui ça va marcher mais pas sur lui parce qu'il a une histoire, un truc différent et tout ça. Et du coup on trouve encore aujourd'hui des longs justificatifs de pourquoi ça fonctionne de l'homéopathie écrit par ce cher Samuel. Qui t'explique que oui, c'est plutôt les femmes ou les jeunes hommes à cause de leur caractère émotif qui sont plus sensibles à ce traitement qu'à un autre, par exemple. Et voilà, ça c'est les bases historiques. Il faut savoir que l'homéopathie, très rapidement, les scientifiques se sont, même à la fin du XVIIe siècle, dès que ça a été créé, les scientifiques, ça a commencé, les premières critiques, c'était les chimistes. Qui disait à Samuel, j'arrive décidément pas à prendre... C'est Samuel Edman. Ouais, je sais, j'arrive décidément pas à me relire, et en plus il a un nom allemand, et moi j'ai jamais été très bon en allemand, même à l'école. Enfin bref, lui on dit, mais en fait c'est pas possible, parce que si tu dilues autant ton traitement, si tu lui dis autant ton traitement, il ne restera plus rien en fait. Et lui, il considère que c'est aussi une propriété divine, enfin c'est une propriété métaphysique qu'il laissait la substance d'origine, parce qu'effectivement, il a pris en compte les avis, il a dit non, en fait, c'est pas matériel, c'est métaphysique en fait, ce qui restait dans les substances homéopathiques. Et du coup, ça part de là. La première preuve qu'on a, enfin la première preuve, on peut pas en épistémologie, on peut pas prouver l'absence de quelque chose. La première preuve qu'on a qui serait qu'en fait on peut prouver que c'est aussi que ça a la même efficacité qu'un placebo, qu'un médicament dont on sait qu'il n'a pas d'efficacité, comment expliquer ce que c'est qu'un placebo. Je pense qu'en plus c'est un peu inutile, parce que je pense que vous voyez tout ce que c'est. C'est-à-dire que il a autant d'effet. C'est-à-dire que la première preuve, excusez-moi, c'est un peu laborieux. La première preuve qu'on a que l'homéopathie n'est pas efficace, entre guillemets, c'est pas la définition la plus rigoureuse, ça date du 19e siècle. C'est à Nuremberg, il y a une étude sur l'homéopathie, il me semble en 1829 ou 1839, je sais plus exactement, qui montrait qu'il y avait des papiers où les médecins qui avaient justement étudié les effets de l'homéopathie étaient très critiques en disant, en pointant du doigt que c'était que ça avait pas d'effet, que c'était probablement la charlatanerie. Et depuis, la littérature scientifique du 19e, du 20e et du 21e n'a fait que confirmer ce justement ça, c'est que aujourd'hui l'état de l'art en homéopathie, c'est que ça n'a pas plus d'impact que un placebo. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le placebo? Ah oui, mais j'ai essayé là déjà. Le placebo, c'est un médicament dont les propriétés permettent pas de soigner la maladie. C'est-à-dire que c'est un faux médicament, si tu veux. C'est-à-dire, par exemple, on va te faire croire que c'est un médicament. Tu vois, par exemple, on va te donner du sucre, on va te donner une pilule de sucre. On va te faire croire que c'est un médicament, et voilà. Et il y a un problème avec aussi autour du placebo, c'est qu'on parle souvent de l'effet placebo. Il faut pas penser que c'est un truc magique, le placebo. Et c'est ce que les statisticiens ou les psychologues qui étudient ça, ils appellent ça l'effet contextuel en fait. C'est-à-dire que le fait que tu ailles voir ton médecin, ou alors que tu as un médecin, tout ce qui autour du traitement, en plus du traitement, ça fait que tu as l'impression, toi, déjà c'est pas que ça te soigne aussi, c'est aussi que tu as l'impression d'être soigné. Parce que parfois, les médecins savent beaucoup que la psychologie dans une maladie, ça joue aussi beaucoup. Quand t'as un rhume et que tout va mal dans ta vie, quand t'as un gros rhume et que tout va mal dans ta vie, peut-être que tu vas prendre un arrêt maladie, alors que si tout va super bien dans ta vie, ça va pas te déranger pour aller au boulot. Ça, c'est un truc que je pense que tout le monde a vécu un jour ou l'autre. Et bah, la psychologie, ça joue beaucoup. Et parfois, quand une personne, on lui donne un médicament, elle va avoir l'impression que ça va un peu mieux quand elle prend un médicament, même si ce médicament est inefficace. Et ça, c'est tout l'effet qu'il y a autour une prise de médicament qui n'est pas l'effet dû à la substance en elle-même, mais dû à tout ce qui est autour. C'est un biais qui donne l'impression que c'est un biais qui donne l'impression que tu vas mieux en prenant ce médicament-là. Et donc ça peut être intéressant pour les médecins, parce que les médecins, leur intérêt, c'est de maximiser ça. Et parfois, certains médecins pensent que l'homéopathie, ça peut être un moyen de justement donner d'accentuer l'effet contextuel, de donner un médicament pour qu'ils se sentent mieux. Mais en fait, c'est une impasse, je pense aussi. On va parler d'un sujet dans l'homéopathie, la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau. Alors, comme je l'ai dit, la littérature scientifique, elle est assez claire sur l'homéopathie, hein, depuis le 19e siècle. On a fait des progrès en méthode scientifique parce qu'au début du XIXe siècle, à l'époque où était faite la première étude, la méthode scientifique n'était pas encore tout à fait au point. On a fait des progrès, il y a pour l'instant. Il n'y a pas de débat, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les dilutions extrêmes font qu'il n'y a plus rien à la fin dans le remède. Moi, j'avais pris un exemple tout bête. Vous prenez, je sais pas, vous pouvez le faire, dans mon article que j'avais écrit. Faudrait que j'ai pas les références sous les yeux, mais j'avais fait un petit calcul très simple. Je prenais 100 grammes d'alcool, enfin 100 millilitres d'alcool ou je sais plus quoi, j'avais pris une substance comme ça, et j'ai décidé, et si je faisais 15 CH, pardon, d'alcool, un remède homéopathique basé sur l'alcool. 15 CH. Et je vais prendre 100 millilitres pour faire mon remède. Je me suis rendu compte en faisant le calcul, qui est un calcul très simple à faire, que cette dilution-là, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un CH? Ça, c'est la dilution, c'est les méthodes de dilution de l'homéopathie. Un CH, c'est le créateur de l'homéopathie qui a créé ça, c'est qu'en fait, à chaque CH, on va diluer 100 fois le remède. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous avez 100 ml d'alcool, vous allez en prendre 1 ml et vous allez mettre 199 ml d'eau. Les chimistes les plus, enfin les chimistes qui nous suivent se rendront compte que finalement c'est pas très rigoureux. Mais dans l'homéopathie, même aujourd'hui, faite par les laboratoires Boiron, il n'y a rien qui est rigoureux. Il n'y a vraiment rien qui est rigoureux dans la façon dont est fait de l'homéopathie. Donc voilà, c'est ça. Et imaginons qu'on fait ça 100 fois, c'est-à-dire que le remède qu'on a dilué 100 fois, enfin la solution qu'on a diluée 100 fois, on va en prendre la solution diluée et dynamisée. C'est-à-dire que dans les laboratoires Boiron, ce qui est fait actuellement, c'est qu'on secoue un peu la solution à chaque à chaque dilution, sans faut avoir des quelconques rigueurs sur l'homogénéité de la dilution. Bref, c'est juste on secoue. Et du coup, on le fait ça 15 fois. Au bout de 15 fois, dans la solution qui reste à la fin, si on prend un tube de solution qui reste à la fin, de 100 millilitres, il y a une chance sur 1 million, moi j'avais trouvé, qu'il reste une seule molécule d'alcool dedans. Donc, disons sur des tours, il reste rien. Et ça, c'est les homéopathes ont dû expliquer ça. À l'époque, Samuel, notre bon, je trouve toujours pas son Notre cher Samuel. nom, notre docteur, le médecin fondateur de l'homéopathie, disait que c'était une propriété métaphysique, divine, qui restait à la substance, la propriété divine de la substance d'origine, elle demeurait, elle passait dans le domaine homéopathique. Aujourd'hui, il y a un scientifique. Un grand scientifique qui a trouvé, qui a gagné le prix Nobel à l'époque parce que il a trouvé le virus, le VIH, le virus responsable du sida, à une époque où on savait pas d'où ça venait du tout le sida. Il a réussi à identifier ce virus-là. Dans les années 80, au moment où on commençait à rembourser l'homéopathie, il fallait trouver une justification scientifique. Et cette justification scientifique est tombée comme par hasard à point nommé. Ce médecin-là, bon, je suis désolé, j'ai pas noté les noms et je m'en excuse aux auditeurs, mais voilà. Ce médecin-là a dit que effectivement, il restait les propriétés de la substance demeuraient avec les dilutions extrêmes à cause de la mémoire de l'eau. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'eau aurait une mémoire et aurait la mémoire de propriété d'une substance dont elle a été en contact, en fait. C'est ça, en fait. Et le problème, c'est qu'il y a plusieurs problèmes. Déjà, de 1, ça pose un problème de méthode scientifique. Pourquoi faire cette recherche-là? En réalité, on peut évaluer l'efficacité d'un traitement en médecine sans savoir comment elle fonctionne. Et c'est ça qu'il faut noter aussi, et qui paraît un peu surprenant pour les gens quand on parle d'efficacité dans des médicaments. Des médicaments comme les antidépresseurs, on ne connaît pas exactement leur domaine d'interaction avec les processus cérébraux. Par contre, on sait qu'ils fonctionnent. Parce qu'on a une méthode qui est quand même extrêmement efficace, c'est ce qu'on appelle la méthode l'évaluation en double aveugle, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation en double aveugle? C'est qu'on va prendre des groupes. On va prendre un grand groupe de patients, deux groupes de patients exactement, homogènes entre eux, c'est-à-dire homogènes en termes de sexe, homogènes en termes de niveau de vie, de classe sociale, etc. Et on va lui attribuer chacun un médicament, à chacun des groupes un médicament. Un groupe pour le groupe test, ce sera le médicament qu'on essaie de tester. Pour l'autre groupe témoin, ce sera un placebo, c'est-à-dire un médicament dont on sait que la substance ne va pas les aider, justement parce que justement ça nous permettra d'éliminer l'effet contextuel. Et ensuite, pour évaluer non, surtout ce qui est important, j'allais passer dessus. Le double aveugle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ni le patient ni le médecin ne savent si le médicament qu'il donne est un placebo ou non. C'est-à-dire que c'est vraiment les médecins on saura si le patient a reçu un placebo ou pas après que l'étude sera finie. C'est ça qui est important, c'est pour éliminer tous les biais, tous les effets, ce qu'on appelle aussi l'effet expérimentateur, parce qu'il y a l'effet placebo, ce qu'on appelle l'effet contextuel, mais qui peut être aussi un effet nocebo, on appelle ça, c'est-à-dire qu'un patient peut aller plus mal quand il lui prend un placebo. Un exemple qui est flagrant dans la littérature scientifique, c'est que l'effet de la prière sur les malades. On se rend compte que quand on demande à toute une congrégation de prier pour un malade, s'il ne le sait pas, il y aura zéro effet. C'est-à-dire que c'est comme si ils avaient rien fait. Par contre, s'il le sait, le malade, il va aller plus mal. On peut s'imaginer pourquoi. C'est parce qu'il se dit, oui, je vais vraiment mal s'il y a vraiment il y a vraiment une centaine de personnes qui prient pour moi tous les jours. Et il y a ça. Puis il y a aussi l'effet expérimentateur qui est important. C'est-à-dire que dans l'œil, et c'est aussi important quand on parle d'homéopathie, parce que c'est un peu ça qui est à l'œuvre quand il y a des homéopathes qui disent ça marche pour les animaux. Ce qui marche sur les animaux, c'est que c'est nous, on a l'impression que ça fonctionne. Ça s'appelle l'effet expérimentateur. Donc le médecin, il peut donner un placebo et avoir l'impression que ça fonctionne. Du coup, pour éliminer tous ces effets-là, Le médecin ne sait pas s'il donne le placebo, le patient ne sait pas s'il reçoit un placebo. Il sait que c'est une possibilité, c'est tout. Et du coup, l'efficacité d'un médicament, comment on la constate? On la constate pour voir si, on la constate en voyant s'il y a eu un effet, si les malades du groupe test, du groupe qui ont reçu le médicament, il y a un effet significatif par rapport au groupe qui ont reçu un placebo. Et à partir du moment où on constate un effet significatif qui va dans le bon sens, dans le sens souhaité, eh ben on peut dire que ce médicament-là a un effet sur cette maladie-là. Du coup, même si on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, même si c'est une boîte noire, en fait, si c'est une boîte noire, on ne connaît pas du tout les mécanismes, on peut savoir si ça fonctionne ou pas, et ça de manière très précise. Et ça pose un problème de méthode, c'est que la méthode scientifique, à partir du moment où on sait que l'homéopathie, c'était déjà bien connu par les scientifiques dans les années 80, on sait que ça ne fonctionne pas. Pourquoi on va essayer de chercher pourquoi ça fonctionne? Ça n'a aucun intérêt. Dans un intérêt purement académique, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu comme si... C'est comme si on faisait une recherche, et moi j'ai bien aimé cette image que Durand avait donnée, c'est-à-dire, on sait que le Père Noël n'existe pas, mais on va quand même faire des études pour savoir s'il passe mieux dans la cheminée, s'il utilise du beurre pour passer dans la cheminée. Mmh. C'est un peu ça le truc. Donc c'est pas sur des critères académiques que cette recherche a été faite, c'est sur des critères purement de croyance, politique aussi, parce que l'homéopathie justement a commencé à être déremboursée dans les années 80, à l'époque justement le monde, à l'époque où justement la mémoire de l'eau l'étude sur la mémoire de l'eau est sortie, le monde en a fait une en disant bah finalement l'homéopathie ça fonctionne, il y a une étude qui nous montre qu'il y aurait une preuve que ça fonctionnerait. Et en fait le vrai problème de cette étude là c'est que personne n'a réussi à la reproduire, et c'est bien un problème. C'est que déjà il dit que l'homéopathie ça fonctionne à cause de la mémoire de l'eau, mais en fait une étude elle est nulle et non avenue si on n'arrive pas à la reproduire, si une équipe indépendante n'arrive pas à la reproduire. Il n'y a que lui qui a réussi à... Donc du coup voilà, ça peut être qu'est-ce qui peut faire qu'une étude on a un résultat qui tombe pas, bah je sais pas, ça peut être un problème méthodologique, ça peut être un problème des capteurs qui sont mal réglés, ça peut être plein de choses, hein. Genre là il étudiait l'eau, les propriétés de l'eau, ça peut être des capteurs mal réglés, visiblement il me semble que c'est des appareils qui étaient mal réglés dans ce cas là mais c'est comme si vous voulez, enfin si je te vois pas Pierre, je vois les auditeurs, mais je sais pas si c'est une bonne enfin, bref, si vous voulez c'est comme si oh, j'ai un peu perdu le fil là, excuse-moi. Donc on était en train de parler de mauvais capteurs. Ah oui, oui, effectivement, c'est ce que je voulais dire. Merci de me l'avoir rappelé. C'est il y a quelques années, genre il y a 8 ans, 9 ans, on a trouvé que il y a une expérimentation qui montrait qu'il y avait des particules qui allaient plus vite que la lumière. Et du coup, ça remettait en question plein de choses sur l'univers, plein de choses qu'on pensait de la physique, ça remettait tout ça en question. Sur les plateaux télé, je me rappelle à l'époque, on avait fait venir des physiciens qui expliquaient, on leur expliquait mais comment c'est possible et tout ça. Et les physiciens les plus prudents disaient mais attention, on ne sait pas si cette expérience-là, il n'y a pas eu un problème quelconque qui s'est passé. Il faut attendre, il faudra qu'on reproduise l'expérience et tout ça. Le fait est que c'est bien tombé, bah, les capteurs, ils étaient pas... enfin, il y a eu un problème avec les appareils de mesure en fait. Et du coup, bah, là, c'était aussi ce qui s'est passé, c'est que l'étude était biaisée, c'est-à-dire qu'il y avait des biais, et puis qu'il y a eu plein de problèmes, et une étude n'est pas parfaite. Pour qu'une étude rentre dans l'état des connaissances, il faut qu'elle soit reproduite plusieurs fois, il faut qu'elle soit vérifiée, Or là, c'est juste une étude isolée. Et donc voilà, les scientifiques, la communauté scientifique qui étudie ça, les physiciens ont mis de côté, je veux dire, cette étude elle est au bon. Et puis il y a un autre aussi, on a parlé de l'argument d'autorité, le fait que la personne qui a fait cette étude là, elle a réussi à isoler, à identifier le virus responsable du sida, ça a joué pour beaucoup, ces derniers mois, on a eu énormément de débats sur l'homéopathie dans les médias, où on disait, bah oui, mais c'est lui qui a trouvé la mémoire de l'eau. Et forcément, il a raison, parce qu'il a un prix Nobel de médecine. Or, ça fonctionne pas comme ça. Même des prix Nobel de médecine peuvent se planter. Et ça se voit de nombreuses fois en science. Il y a des prix Nobel de médecine, de physique, ou tout ça, qui signent des tribunes sur des trucs qui sont faux, parce qu'ils sont pas... c'est des êtres humains comme les autres. Et ils peuvent se tromper aussi. Et du coup, pour terminer sur l'homéopathie, qu'est-ce qu'on pourrait dire, finalement ? Bah, moi, j'ai envie de terminer en disant que la science est claire, et même très claire sur le dessus. L'homéopathie, ça ne fonctionne pas. L'homéopathie, c'est une pseudo-science. On pourrait en parler pendant des heures, on pourrait parler des médecins homéopathes, la façon dont l'homéopathie s'est enseignée comme une science dans certaines facs de médecine, alors que c'est littéralement une pseudo-science. On pourrait parler de plein de choses, mais déjà, l'homéopathie, ça ne fonctionne pas. L'homéopathie, ce n'est même pas une bonne chose si on veut profiter de l'effet contextuel. Parce qu'on peut le simuler autrement. L'homéopathie, c'est pas... on n'est pas des grands révolutionnaires et on ne combat pas l'industrie pharmaceutique quand on prend l'homéopathie au lieu de prendre un médicament de médecine traditionnelle. Parce que oui, il y a une chose importante à dire sur l'homéopathie, et de parler de... Il y a tout un vocabulaire qui se décline sur l'homéopathie. La médecine traditionnelle est considérée comme de l'allopathie, et la médecine douce, entre guillemets, est considérée comme voilà, de la médecine douce, je sais plus comment on appelle ça, l'homéopathie. Ça, c'est du vocabulaire, ça, c'est qu'on utilise des mots qui ne correspondent, ou des concepts qui ne correspondent pas aux faits. La médecine, il faut que les gens se mettent bien en tête, et je sais que ça peut être dur à comprendre quand on essaie de soigner autrement ou sans risque, la médecine douce, ça n'existe pas. La médecine alternative, ça n'existe pas. C'est soit c'est de la médecine, dans ce cas-là, ça marche très bien, et on peut l'évaluer, soit ce n'est pas de la médecine. Il n'y a pas d'entre-deux de médecine alternative, ça n'existe pas. Et du coup, la croyance... En l'homéopathie, elle peut provoquer des choses assez graves. Quand je parle de ça, on essaie souvent de me relativiser en me disant bah oui, mais il y a des choses plus graves. Oui, certes, il y a des choses plus graves. Pour autant, des gens qui ont un cancer et qui demandent de l'homéopathie, les médecins ils en voient plein. Des gens qui ont une maladie grave ou alors qui essaient de soigner à l'homéopathie, il y en a plein. Des médecins homéopathes qui ont la croyance partagée, c'est-à-dire que le patient et le médecin. Le médecin, c'est, on l'oublie souvent, mais un médecin, à la base, le médecin, son boulot, c'est de soigner. C'est un praticien de la médecine, ce n'est pas un scientifique. Sauf s'il est chercheur. Là, pour le coup, c'est un scientifique. Un médecin, c'est quelqu'un qui utilise les données de la science pour faire son boulot. C'est-à-dire qu'un médecin que vous allez voir, c'est pas un scientifique. Par contre, c'est un type qui a un bagage scientifique et qui l'utilise pour vous soigner. Mais c'est pas lui qui détermine l'état des connaissances. Ou qui prolonge l'état des connaissances, en général. Et du coup, un médecin, en plus du fait que c'est pas un type qui est un praticien de la science, mais un praticien de la médecine, et bah, il peut avoir des croyances aussi, il peut avoir une croyance forte en homéopathie. Et la croyance partagée du patient et du médecin, ça peut provoquer à des reports de traitement. C'est-à-dire qu'une personne, si une personne va voir son médecin homéopathe au lieu d'aller voir un médecin qui ne pratique pas l'homéopathie, il est probable que le médecin homéopathe peut lui dire d'abord vous prenez ce traitement pendant un mois au lieu d'aller faire des examens, d'aller faire une radio, d'aller faire une IRM, etc. Il dit d'abord on va essayer la médecine douce. Et le problème c'est que s'il y avait pas un gros problème, les deux personnes vont être contentes. C'est-à-dire le médecin, s'il y avait un problème qui est passager, genre si imaginons qu'il ait eu, je sais pas moi, une migraine passagère, un rhume, quoi que ce soit, les deux personnes vont être très satisfaites. Mais imaginons que ce soit quelque chose de plus grave, genre un problème hépatique, un problème parfois une tumeur quoi, qui est pas dont il est important qu'elle soit détectée tôt, ou une maladie plus grave. Si c'est ce cas-là, bah, le report des soins ça peut mettre en danger la vie du patient. Donc c'est pour ça qu'il faut en termes de médecine, c'est pour ça que ces croyances sont dangereuses et perverses parce qu'elles ont l'air inoffensives. Mais non, en fait elles ne sont pas du tout inoffensives et il y a des gens qui peuvent et ça peut mettre en péril la santé des patients dans certains cas. Ce ne sont pas les cas les plus courants, mais c'est important de le noter. Donc voilà, enfin, du coup, moi, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas un grand défenseur de ce gouvernement que je trouve, dont je suis même un fervent opposant. Pour autant, le déremboursement de l'homéopathie me paraît sain, en fait. Parce qu'il faut bien signifier aux gens que c'est pas un médicament, c'est une croyance. C'est pas de la médecine. Par contre, et ça me semble très important, là où je suis en total désaccord avec le gouvernement, c'est que si on dérembourse les médicaments qui sont des croyances, il faut rembourser tous les médicaments qui ne sont pas des croyances. Et là, c'est très loin d'être fait. Il y a des médicaments qui sont extrêmement vital, enfin pas vital, mais très important pour la qualité de vie des patients, genre par exemple les somnifères, qui ne sont pas remboursés parce que, parce que soi-disant, c'est pas un médicament essentiel. Et donc, y a aussi un double jeu du gouvernement qui n'aide pas. C'est-à-dire que s'il dérembourse les médicaments, à la fois il dérembourse les médicaments qui ne fonctionnent pas, mais il ne rembourse pas les médicaments qui fonctionnent. Du coup, effectivement, il n'aide pas à aller dans le sens justement de la science, ce gouvernement-là. Et on prend cette politique-là. Cette politique. Bon, je vous dis à une prochaine et je vous souhaite de souffler, de respirer et que les pseudo-sciences, c'est du bullshit. Show to remember. Got no game.